En Corée du Sud, selon le journal d'internet La Voix du Peuple, l'avant-garde de la réunification a organisé le vide-coron devant l'embarcadère vite du port de Busan, un rassemblement contre les démarches des États-Unis pour la disposition du SAD et l'installation du laboratoire des armes biochimiques en Corée du Sud. Après le rassemblement qui a en même temps mis sur pied l'avant-garde de la réunification regroupant les avant-gardes des ouvriers, des femmes, des jeunes étudiants et autres couches sociales, les participants ont effectué les activités de propagande dans divers endroits de la ville.